Le chercheur Kim Nam-hyuk à l'Institut des États-Unis près le ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a publié un commentaire relatif aux fouilles des restes mortels des troupiers américains. Il indique notamment « Ces jours-ci, la voix se fait entendre aux États-Unis selon laquelle il faut reprendre les fouilles des restes mortels des troupiers US interrompus sur le territoire de notre République. » Lors d'un séminaire tenu à l'université George Washington, l'ancien gouverneur de l'État de Nouveau-Mexique, Bill Richardson, et le président de l'Association des familles des prisonniers et disparus américains du temps de la guerre de Corée et de la guerre froide ont souligné l'importance des fouilles des restes des militaires américains. Ils ont dit notamment « L'entreprise des fouilles des restes des troupiers US peut jouer un rôle important pour l'amélioration des rapports américano-coréens. » Laisser les restes mortels de plusieurs milliers de militaires disparus en Corée du Nord lors de la dernière guerre de Corée est une plaie ouverte. Au lieu du gouvernement, une organisation non gouvernementale pourrait engager cette entreprise. Le gouvernement des États-Unis est tenu de prêter un intérêt actif à la reprise des fouilles des restes mortels des troupiers américains en mettant de côté la différence de vue politique avec la Corée du Nord. Trois congressistes américains qui avaient participé à la guerre de Corée ont présenté en commun à la Chambre des représentants, à l'occasion des 66 ans de la guerre de Corée, une résolution exigeant du gouvernement des États-Unis d'entamer au plus tôt le dialogue avec la Corée du Nord afin d'identifier les soldats américains morts et disparus lors de la dernière guerre de Corée et d'emporter leurs restes mortels. À l'origine, les fouilles des restes mortels des troupiers américains sur le territoire de notre République ont été entreprises grâce à notre mesure humanitaire prise à la sollicitation réitérée de l'administration américaine, des participants à la guerre de Corée et des familles des morts, désireux de régler définitivement le problème des disparus américains pendant la guerre de Corée. Malgré les rapports aigus entre la Corée et les États-Unis, notre armée et notre peuple, partant de l'humanitarisme et de la générosité, ont apporté leur collaboration à une trentaine de cas de fouilles pendant une dizaine d'années environ depuis 1996. Les officiels du côté américain qui ont participé alors aux fouilles communes ont exprimé plus d'une fois leur reconnaissance pour notre mesure humanitaire et notre collaboration active. Or, en mépris de nos efforts sincères et du sentiment des familles et des soldats morts, les États-Unis ont prétexté plus tard une soi-disant menace sécuritaire pour interrompre unilatéralement les fouilles des restes mortels. Cyniquement, ils ont profité de plusieurs occasions pour abuser des problèmes humanitaires comme les fouilles des restes mortels pour leur but politique malsain et chercher à nous rejeter la responsabilité de l'interruption des fouilles en question. Il est absurde que les États-Unis, qui ont interrompu unilatéralement les fouilles des restes de leurs soldats morts, croient maintenant reprendre à leur gré cette entreprise. Ils ne peuvent jamais éviter la responsabilité d'avoir fait échouer le travail humanitaire tel que les fouilles des restes mortels des soldats américains en poursuivant la politique d'hostilité vis-à-vis de la Corée.